الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication du livre أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي للعلامة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc on était dans ce qui concerne les habits durant l'ihram, ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc al-fasl, donc on voit que le shir il nous parle en ce moment dans ce chapitre de tout ce qui concerne les habits et al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Car bien entendu le livre suivant il a été écrit suivant l'ordre de al-manasik, donc des rites que le musulman il fait dans l'ordre, au moment où il part de chez lui jusqu'à qu'il termine son hajj complètement, son pèlerinage de manière complète. Donc on s'était arrêté à cette phrase du shir rahimallahu ta'ala, walahu an ya'qida ma yahtaju ila 'aqdihi kal izari wa himyan an-nafaqa war-rida'u la yahtaju ila 'aqdihi fala ya'qiduhu فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع وليس على التحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون إلى ابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيع فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال كراهة تحريم. Donc le shir il va nous parler d'un point ici, c'est le fait d'utiliser une ceinture, d'une ceinture et tout ce qui ressemble à la ceinture comme ficelle ou autre, ce qui va servir à serrer donc al-izar, la partie qui va couvrir donc le bas du ventre jusqu'aux chevilles. Ça, bien entendu, c'est al-izar. Et l'autre partie, comme on a déjà vu, c'est al-rida, ce qui permet donc de couvrir la partie haute du corps de l'homme. Donc ici, il nous dit le shir, si al-muhrim, il a besoin donc de serrer une ceinture ou d'utiliser une ceinture pour serrer donc son izar, alors cela est permis. S'il en a besoin, cela est permis. Il nous dit wahimyan. Himyan, c'est en réalité ce qu'on peut traduire par ceinture. Himyan. Et c'est de nos jours ce qui est utilisé, ce qui se vend, une ceinture donc, qui est de couleur blanche, et où il y a un emplacement pour pouvoir mettre son argent, etc. An-nafaqa. C'est pour ça qu'il dit le shir wahimyan in-nafaqa. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser cela, comme il nous dit le shir, si on en a besoin. Pour ce qui est de Ar-Rida, il nous dit Ar-Rida, bien entendu, c'est la partie haute, donc ce qui va recouvrir le buste de l'homme à partir des épaules, etc. Donc il nous dit ici que pour cela, on n'a pas besoin d'utiliser une ceinture ou autre. On n'en a pas besoin. Donc il nous dit Fala yaqidu. Donc on n'a pas besoin de serrer cette partie. Par contre, il dit si on a vraiment besoin, si on a besoin de serrer donc Ar-Rida, il nous dit qu'il y a donc ici un irtilaf, qu'il y a donc une divergence entre les savants. Et ce qui va être le plus proche de la vérité, comme il nous dit, wal-ashba, jawazu hina idin, c'est-à-dire donc, lui le shir, il voit que il est alors permis cela. Il va nous dire le shir, pour ceux qui ont interdit, donc, il y a ceux qui ont autorisé, le shir en fait partie, et il y a ceux qui ont interdit qu'on utilise une ceinture ou autre pour pouvoir donc serrer Ar-Rida, la partie haute donc. Et il nous dit fi nizar wa laysa ala tahrimi wa na'am wa hal al-man' min 'aqdi man'u karaha aw tahrim. Donc on sait que lorsqu'on dit le terme man' qui est ici l'interdiction. Lorsqu'on interdit une chose, on dit mana, du verbe mana'a, yamna' man'an. Tayyib. On sait que dans le langage conventionnel des salafs, ils utilisaient le terme donc tahrim ou alors man'a dans deux cas. Lorsqu'ils voulaient par cela ce qui est détestable, donc karaha, et également ils l'utilisaient dans le cas de ce qui était interdit, bimarna muharram. Donc on voit le terme man'a, il va prendre ici deux sens. C'est soit donc karaha ou soit tahrim. Soit donc que c'est strictement interdit ou alors que c'est détestable. Bien entendu, il y a une différence entre les deux compréhensions, car si c'est détestable, la personne, même si elle le fait, elle n'a pas, il n'y a pas de sentence qui en découle. Et donc il ne tombe pas dans le péché. Par contre, si c'est tahrim, alors là il y a une sentence qui en découle. Elle tombe dans le péché, car il fait une interdiction, ce qui est totalement interdit dans la religion. Donc il nous dit le shir, est-ce que ce qui était présent, ou la parole de ceux qui voient qu'il n'est pas permis de faire cela, est-ce que c'est détestable ou alors strictement interdit? Il nous dit finizar. Par contre, il nous dit ici, et c'est ce qui va servir d'argument pour le choix du shir, il nous dit walaysa ala tahrim dhalika dalilun. Il n'y a pas dans l'interdiction de cela une preuve. Il n'y a donc pas de preuve qui vient du Coran ou de la Sunna qui vienne donc interdire l'utilisation d'une ceinture pour pouvoir donc serrer Arida. Une ceinture ou autre. Parce que ici on emploie le terme Aniaqid. Donc c'est le, comme on a dit, le fait de serrer. Simplement, s'il n'y a pas de dalil du Coran de la Sunna, il y a une parole qui était rapportée d'Ibn Omar. Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qui nous précise qu'il voyait que c'était interdit. Annahu kariha 'aqd ar-rida. Qu'il était interdit donc d'utiliser toute chose pour pouvoir donc serrer ar-rida. Et bien entendu, s'il va également avoir une divergence, pour ceux qui ont suivi dans cette parole Ibn Omar, est-ce que c'est, comme on l'a dit ici, on a le verbe annahu kariha, bimana al-karaha, est-ce que c'est ici karaha tu tanzi ou tahrim? Donc al-karaha, soit les nbab tanzi, donc c'est ce qui revient à dire que c'est détestable, ou alors ce qui revient à dire que c'est interdit, karaha tu tahrim, donc comme on l'a vu précédemment. C'est toujours en fait le même istilah qui est utilisé, et la même, le même sens qui est voulu. Donc, est-ce que Ibn Omar il a voulu par cela que c'est détestable ou alors strictement interdit? Donc, ils sont divisés ceux qui ont suivi cette parole. Donc, ceux qui ont dit que c'était détestable et qui ont compris la parole de Ibn Omar comme cela, et ceux qui ont dit que c'était strictement interdit, qui ont compris la parole de Ibn Omar comme cela. À la kulli hal, le shir lui, il voit que cela est permis. Si on en a besoin, bien entendu, c'est toujours dans le cas de besoin ici. Par contre, si on n'en a pas besoin, alors on n'a pas à le faire, comme il nous l'a dit. Ensuite, il dit « وَأَمَّا الرَّاسِ فَلَا يُغَتِّهِ لَا بِمَخِيتٍ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يُغَتِّهِ بِعِمَامَةٍ أَوْ قَلَنْسُوَ وَلَا كُوفِيَ وَلَا ثَوْبَ يَلْسِقُ بِهِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ. Donc il nous dit ensuite le shir pour ce qui est maintenant de la tête. Il nous dit qu'il n'est ici pas permis de recouvrir notre tête, que ce soit par un tissu qui est cousu, bimakhetin, ou autre. Donc, ce n'est pas permis qu'il recouvre sa tête par une imama, ou par ce qu'il a cité, et qui est le terme qaranswa. C'est quelque chose qu'il mettait donc sur la tête également. Voilà kufia. Koufia également, donc des termes qu'ils ont utilisés ici pour désigner ce qu'utilisaient les gens à son époque pour recouvrir leur tête. Wala thawba yalsiqu bihi. Et tout autre habit ou tissu qui va recouvrir donc sa tête. Cela donc n'est pas permis. Tout cela n'est pas permis. Donc ça c'est clair qu'il est strictement interdit pour le muhrim qu'il recouvre sa tête. Quoi? Que ce soit bien entendu ici, c'est pour ce qui concerne les hommes. Ensuite il dit, rahimahullah, ولو أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. Il nous dit qu'il est permis que al-muhrim il utilise un endroit d'ombre, qu'il se mette donc à l'ombre, que ce soit sous un arbre ou que ce soit pour ce qui va faire figure de toit. Il est permis pour lui de se mettre à cet endroit pour se protéger du soleil, pour se reposer ou autre du soleil. Donc il a le droit, al-muhrim, de se mettre à l'ombre à ces endroits-là. De même pour ce qui est de al-khayma, c'est-à-dire donc à l'intérieur d'une tente. Bittifaqihim. Donc ici, ils sont tous d'accord, les savants, pour cela. Bien entendu, ça va à l'encontre de ce que font les chiites. Les chiites qui voient, eux, que cela n'est pas permis. وأما الاستظلال donc bien entendu ici باتفاقهم من أهل السنة les gens de la sunna. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ذلل عليه فقال أو ذلل عليه فقال أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي المحامل التي لها رأس وأما المحامل المكشوفة فلم كراها إلا بعض النساك وهذا في حق الرجل. Donc le shir nous dit, pour ce qui est de se protéger du soleil, se mettre à l'ombre en utilisant un parapluie, donc ce qui va faire office de parapluie. Il nous dit qu'al-mahara. Al-mahara, c'est en forme de coquillage, c'est ce qu'ils utilisaient pour se protéger du soleil. Il nous dit qu'il y a ici une divergence pour ce qui est des savants. Le fait donc de se mettre à l'ombre et de se protéger du soleil par donc ce qu'on va traduire aussi par parapluie, ce qui ressemble donc au parapluie. Il nous dit wal-afdal, le mieux pour le muhrim, pour celui qui est en état de sacralisation, an yadhi liman ahrama lahu. An yadhi bima'na an yubriz li-shams, c'est-à-dire qu'il laisse sa tête au soleil, qu'il ne protège pas sa tête du soleil. An yadhi liman ahrama lahu. Donc il fasse cela pour celui pour qui il s'est mis en état de sacralisation. Bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle nous dit, dans un premier temps, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons le faisaient de même, c'est-à-dire qu'ils ne se protégeaient pas du soleil, et également par ce qui va être rapporté de Ibn Omar, radiallahu ta'ala, anhuma, dans cette parole de lui, qui est rapportée par l'imam al-Bayhaqi, fi sunan al-Kubra, et qui est un athar de Ibn Omar qui est authentique, comme l'a authentifié Sheikh al-Albani, comme étant de Ibn Omar. Ibn Omar, il a vu une personne qui se protégeait donc du soleil. Donc, que ce soit en utilisant, ici ce n'est pas précisé, à la kulihal, qu'il utilise un tissu ou autre, qui va mettre au-dessus, bien entendu, de sa tête, bidun yakun lasq, c'est-à-dire que c'est pas, mulsaq birasi, bien entendu, c'est-à-dire donc que ce n'est pas collé sur sa tête. Ça, bien entendu, c'est interdit, on l'a vu auparavant. Donc, lorsqu'il a vu cette personne qui se protégeait du soleil de cette manière-là, il lui a dit, ayyu al-muhrim, abhi, abhi liman ahram talaw. Abhi, ça, c'est ce qu'ont utilisé al-muhaddithun. Donc, pour ce qui est du tashkil, du verbe abhi. Et d'autres, comme l'a rapporté Ibn Salam, fi kitabi gharib al-hadith, d'autres savants de la langue qui ont dit ibha, ibha, liman ahram talaw. Donc la plupart des muhaddithines, ils ont dit abhi, et la plupart, ou beaucoup des gens de la langue arabe, des savants de la langue arabe, ils ont dit ibha. Ala kulli hal, si, avec l'ilfaïda. Abhi liman ahram talaw. Donc il lui a dit, découvre-toi, donc laisse ta tête au soleil, pour celui pour qui tu t'es mis en état d'ihram. C'est pour ça que les salafs, ils détestaient l'utilisation de ce qu'on appelle al-qibab. Al-qibab qui est le pluriel de qubba, que l'on traduit par la coupole, al-mahamil. Donc on voit souvent, dans des anciennes images, lorsqu'ils utilisaient les chameaux, ils mettaient donc au-dessus du chameau ce qui leur permettait de s'asseoir correctement par-dessus le chameau, mais en même temps qui comprenait une sorte de coupole. Qui comprenait une sorte de coupole, et cette coupole leur permettait de se protéger donc du soleil lorsqu'ils étaient à chameau. Donc c'est pour ça que les salafs, ils détestaient qu'on utilise cela durant le hajj, lorsqu'on était donc à chameau. Ouyal mahamil allati laha ras, donc qui a une tête au-dessus, donc ce qui va ici protéger du soleil. Wa amma al mahamil al makshufa, donc par contre ce qui sert de selle pour les chameaux, alors si elles sont dénuées de toute protection au-dessus, c'est-à-dire ce qui va de coupe ou l'autre, ce qui va donc protéger du soleil, alors il n'y a pas de mal dans cela. Il ne détestait pas cela. Bien entendu, on est en train de parler pour ce qui est de l'homme. Par contre, pour ce qui est de la femme, et c'est ce que le chien maintenant il va nous dire, wa ammal mar'atu fa innaha awra. فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. Donc bien entendu, pour ce qui est du droit de la femme durant le pèlerinage, elle a le droit, ce n'est même pas le droit, c'est une obligation pour elle donc de se couvrir. Et on sait, comme on l'a vu auparavant, ce qui est interdit pour la femme en état d'ihram, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique il nous a dit, antantaqib, c'est-à-dire donc qu'elle utilise le niqab, qu'elle utilise également al-qufazain. Et il nous dit le shir al-qufazain, ghilafun yusna'u lil-yad kama yaf'alhu hamalatul bazza. C'est-à-dire ici, c'est tout simplement donc un tissu qui va recouvrir les mains de la femme, qu'on appelle donc le gant fait de tissu ou autre, et qui va recouvrir donc les mains de la femme. Bien entendu, on va comprendre ici que durant le pèlerinage, cela il n'est pas permis de l'utiliser. En dehors du pèlerinage, cela bien entendu est permis de l'utiliser. Et quand on dit permis, on sait ici que c'est même obligatoire pour la femme, donc qu'elle se couvre le visage et qu'elle se couvre également les mains. Pour revenir à la parole du shir, il dit wa amma al-mar'atu fa inna awra, donc son corps c'est une chose qu'elle doit protéger des yeux des hommes, donc c'est pour ça donc que la femme dans ce sens elle est awra, c'est dans ce sens que le shir il dit cela, et il dit donc il lui permet de porter tout ce qui va protéger ou va la protéger du regard des autres et qui va donc la couvrir. Et on voit que les savants, bien entendu qu'on a parlé du niqab, on a bien dit que, même si on en a déjà parlé, on a bien dit que niqab bimarna ici, elle a dit yushaddu ala ra'as. C'est-à-dire donc, ce tissu qu'on utilise, avec lequel on protège et on couvre le visage de la femme, mais qui va être fait de telle manière à ce que la femme va resserrer donc ce tissu par derrière sa tête, pour que ce niqab donc il tienne. Principalement, il va être fait de deux ficelles de derrière, et donc ces deux ficelles, elles vont donc les joindre et les serrer pour que le niqab il tienne sur la face de la femme. Mais à ce moment-là, ici durant le hajj, c'est strictement interdit. Ce qui veut dire que ce qui est interdit, ce n'est pas le fait que la femme elle couvre son visage, mais le fait qu'elle utilise ce niqab, ou alors le voile avec lequel elle va serrer sa tête. Taïb, c'est ce qui est interdit. Par contre, comme on l'a dit, le fait qu'elle utilise un voile qu'elle va mettre par-dessus sa tête, taïb, et où il n'y a pas ici donc ce qui va resserrer sa tête, alors cela c'est permis. Et c'est ce qu'on appelle le sadl. Et la preuve de cela, c'est ce hadith qui est rapporté par Abu Dawud, min hadith Aisha, Ibn Majah également, et ce hadith qui a plusieurs chaînes de transmission, et qui a plusieurs shahids, ceux qui témoignent donc de ce hadith. Comme cela également est rapporté par l'imam Al-Hakim bisanadin an Asma. Ala kulli hal, ce hadith bi majmou' turuqihi wa shawahidihi, c'est un hadith qui est considéré comme hasan auprès des gens du hadith. كما حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه et d'autres encore. وعائشة nous rapporte رضي الله تعالى عنها كان ركبان يمرون بنا ونحن مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. Donc ici dans ce hadith, il est dit lorsque les cavaliers passaient et arrivaient à notre hauteur, et nous nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, muhrimat, en état d'ihram. Et lorsqu'ils arrivaient à notre hauteur, qu'est-ce qu'on faisait donc? Sadalat ihdana jilbaba min ra'siha ala wajhiha. C'est-à-dire qu'elle faisait donc tomber ce tissu sur sa figure. Donc, elle le faisait retomber de sa tête sur sa figure. Min ra'siha ala wajhiha. Donc ce tissu qui était en dessous du jilbab et qui permettait donc à la femme, lorsqu'une personne étrangère passait devant elle, ici en l'occurrence Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, et qui est un exemple pour toutes les croyantes, lorsqu'une personne étrangère passait à leur niveau, donc il y avait ici la possibilité qu'ils voient leur visage, ce qu'elle faisait donc, elle couvrait son visage avec donc ce tissu, en le laissant retomber sur son visage. Donc à partir de là, on comprend qu'il y a une grande différence entre niqab et entre ici le fait d'utiliser un tissu et de le laisser retomber sur le visage, sans qu'il y ait donc aucun resserrement sur la tête avec ce même tissu. Donc il y a une différence, et c'est ce qui est interdit d'un côté, et c'est ce qui est permis de l'autre côté. Une parenthèse qui est faite, c'est malheureusement ce que l'on voit parmi les musulmanes lorsqu'elles viennent faire le pèlerinage. Wallah al-musta'an. Des femmes dont on voit apparaître pour certaines d'elles leurs chevilles, dont on voit apparaître pour certaines d'elles leurs cheveux, dont on voit apparaître pour certaines d'elles une partie de leur poitrine. Riyadan billah. Et ça, bien entendu, c'est un grand mal. Et encore plus pour la femme, bien entendu, qui est en état de ihram. Et c'est pour ça qu'on voit que l'imam al-Nawawi, fi kitabihi al-Idah, il voyait que si une femme laissait en apparence un seul cheveu parmi ses cheveux, son hajj il était annulé. Son hajj il était annulé. C'est pour ça qu'il dit, on va reprendre même un nas ici, la parole même de l'imam al-Nawawi fi kitabihi al-Idah. Il dit, ومن طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها أو طافت كاشفة جزءا من رأسها لم يصح توافها حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها أو ظفر رجلها لم يصح توافها لأن ذلك عورة منها يشترط ستره في الطواف كما يشترط في الصلاة وإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت بغير حج فَقَدْ رَجَعَتْ بِغَيْرِ حَجٍ صَحِيحَ لَهَا وَلَا عُمْرَةٍ. Donc cette parole qui nous dit, l'imam al-Nawawi, il dit la personne donc, ou la femme, bien plus précisément, la femme libre, qui fait le tawaf, alors qu'elle a ses pieds qui sont makshoufa, qui sont découverts, ou alors une partie de sa tête qui est découverte. Et il nous dit ici le shir, jusqu'à même un cheveu parmi ses cheveux qui serait découvert, ou alors un ongle parmi ses pieds qui serait découvert, alors, à ce moment-là, il dit, son tawaf, il est batil. Et il dit, donc, comme cela est une condition de couvrir, que ce soit donc durant le tawaf ou que ce soit durant la prière, il nous dit, si cette personne-là, si cette femme-là, elle retourne, alors qu'elle a fait cela, elle retourne donc sans avoir un pèlerinage qui est authentique. Bien entendu ici, l'imam al-Nawawi, il est ensuite revenu. Parce qu'on va voir que, dans certains livres, il va revenir sur cette parole en disant que ce qui annule le hajj, c'est uniquement al-jima', c'est bien entendu l'acte, la relation sexuelle, comme on l'a déjà vu, tayyib, ou comme cela est cité par l'imam al-Nawawi dans son livre Sharh al-Muhadhab. La kulli hal ici, simplement pour prouver donc jusqu'à quelles paroles ont été certains savants parmi les grands jurisconsultes. Ici, c'est tout simplement pour prouver que c'est un acte qui est muharram. C'est un acte où il y a un grand mal. C'est pour ça donc que la femme, elle doit faire très attention à cela. Et elle doit être pieuse dans cela, c'est-à-dire dans ses habits. Que ce soit donc durant l'ihram, donc à plus forte raison durant l'ihram, mais également en dehors de l'ihram. Donc al-hadar, al-hadar, que la femme fasse attention qu'elle ne tombe pas dans ce mal-là et qu'elle soit pieuse, qu'elle fasse preuve de taqwa envers Allah subhanahu wa ta'ala pour que ses adorations soient acceptées et pour qu'elle fasse partie des femmes dont leurs actes sont acceptés. Ensuite le shir il dit وَلَوْ غَطَّتَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا بِشَيْءٍ لَا يَمُسُّ الْوَجْهَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ يَمُسُّهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجَافِيَ سَتْرَتَهَا عَنِ الْوَجْهِ لَا بِعَوْدٍ وَلَا بِيَدٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَيْنَ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَكِلَاهُمَا كَبَدَنِ الرَّجُلِ لَا كَرَأْسِهِ وَأَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وآله وسلم كنا يسدلنا على وجوههن من غير مراعاة المجافة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقاع أقوى من النقاب. طيب. Ensuite le shir il nous dit ici il est toujours en train de parler de couvrir le visage de la femme. Il nous dit donc durant l'état d'ihram si la femme elle utilise quoi que ce soit, donc bien entendu dans la plupart des cas c'est le tissu, pour couvrir son visage et que cette chose la yamussul wajh, c'est-à-dire qui ne se colle pas au visage, alors cela est permis. Qui n'effleure pas le visage, alors cela est permis. Bil ittifaq, c'est-à-dire tous les gens de science sont d'accord que cela est permis pour la femme qui est en état d'ihram. Bien entendu, lorsqu'il parle que cela est permis, n'est pas entré dans le pour ce qui est de l'obligation ou alors el mandoub, mais il est en train de parler bien entendu que c'est permis pour prouver que cela il y a donc ici lieu de consensus, un ittifaq chez les gens de science. Pourquoi? Parce qu'il nous dit when kana yamussu fa sahih annahu yajuzu aidan, c'est-à-dire maintenant si ce voile ou ce tissu va effleurer et va se coller donc au visage de la femme, est-ce que cela est permis ou pas? Il va nous dire fas sahihu annahu yajuzu aidan. Fas sahih, ce terme, on va comprendre qu'on en traduit donc que cela est authentique, que cela donc est valable ici. On va comprendre qu'il y a bien entendu un nizar, irtilaf. Et on sait que certains savants, ils ont dit qu'il n'était pas permis que la femme elle utilise un voile pour se couvrir le visage si ce voile là il est en contact avec le visage, c'est-à-dire avec la peau du visage, qu'il retombe directement sur le visage, donc qui est en contact direct. Comme cela est le madhab des Shafi'ites. Et c'est pour ça donc qu'on voit certaines sœurs durant le pèlerinage et qui recouvrent donc leur visage, elles utilisent, comme il nous a dit le shir donc, ici, bil'auda ou bil'yad, etc., elles utilisent donc une chose qui va faire que ce voile, lorsqu'il redescend sur leur visage, il ne va pas être en contact direct avec le visage. Taïb, donc sur le front, elles vont soit mettre, par exemple, comme il dit le shir al-oud, quelque chose donc qui va faire que le voile ne va pas être en contact directement avec la peau du visage, avec le visage donc. Donc il va avoir tout simplement un espacement entre le visage et le voile. Taïb, parce que certains savants, ils voient que cela est interdit. Comme on a dit, c'est le madhab de l'imam Shafi'i et d'autres. Le shir ici, il va argumenter, lui il voit que c'est permis. Fas sahihu annahu yajuz, aidan. Il voit que lui que c'est permis, c'est-à-dire même si le voile il touche directement le visage, qu'on fait tomber le voile et qu'il est en contact directement avec le visage, il n'y a pas de problème pour cela. Il argumente le shir, il va nous dire qu'on ne peut charger la femme de cet acte-là, c'est-à-dire un tujafiya satrata, c'est-à-dire donc qu'elle fasse qu'il y a un écart entre le voile et son visage. Et il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu le visage et la main de la même manière. De la même manière. Taïb. C'est-à-dire que la femme, même si elle ne met pas des gants, elle koufaz, elle peut très bien donc cacher ses mains à l'intérieur de son djilbab. Taïeb. Ou alors rentrer sa main à l'intérieur de la manche de son djilbab, etc. Et bien entendu, ici à ce moment-là, ça va bien être en contact avec le tissu. Donc il nous dit le shir, Fanna Nabi Sassam sawa bena wajiha wa yadeya. Le Prophète il a rendu égal, que ce soit le visage ou que ce soit donc la main. Wakilahuma ka badani rajula ka rasi. Et les deux, bien entendu, sont comme le corps de l'homme, pas comme sa tête. Et il nous dit également que, comme preuve donc, on est toujours dans l'argumentation ici de ceux qui rendent, qui voient la permission que la femme elle utilise un voile qui va donc être en contact avec le visage, ou azwaju sallallahu alayhi wa sallam kunna yusdilna ala wujuhinna min ghayri mura'ati al-mujafa. Et comme on l'a vu donc dans le hadith de Aïcha, de Umm Salama également, que les femmes du prophète, les mères des croyants, elles utilisaient donc le sadl, donc le fait de faire retomber le tissu sur le visage de la femme, sans prendre en considération le fait que ça va toucher le visage ou pas. Sinon, ça aurait été bien entendu précisé dans le hadith, ça aurait été précisé par les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence, ici Aïcha, également Umm Salama, celle qui rapporte cet acte qu'elle faisait donc, en présence des étrangers, comme on a vu dans le hadith précédent. Et il nous dit également que personne parmi les gens de science ont rapporté que le prophète sallam a dit ihramul mar'a fi wajhiha, que donc la sacralisation, l'ihram de la femme, c'est dans son visage. Il nous dit uniquement cela est la parole de certains des salafs. Et comme cela est venu fi sharh al-umda annahu min kalam ibn Omar, c'est-à-dire certains savants ont rapporté que cette parole est la parole d'Ibn Omar, mais pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإنما هذا قول بعض السلف. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, comme il nous dit le shir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que la femme elle utilise donc un niqab et qu'elle utilise également les gants. Comme il a interdit au muhrim, donc l'homme, qu'il utilise le qamis, qu'il utilise également le khouf. مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. Alors que l'homme également, il peut s'il veut protéger donc ses mains, protéger également ou recouvrir ses mains et recouvrir également ses pieds. بِتِّفَقَ الْأَئِمَّةِ. Ensuite il dit وَالْبُرْقَعَ أَقْوَى مِنَ النِّقَابِ فَلِهَذَا يَنْهَى عَنْهُ بِتِّفَاقِهِ. Donc ici il nous parle de ce qu'on appelle الْبُرْقَعَ. الْبُرْقَعَ nous dit que cela est plus fort que النِّقَابِ, dans le sens que الْبُرْقَعَ c'est donc un tissu غَطَاءٌ يُفَصَّلْ بِقَدْرِ الْوَجْهِ وَيُجْعَلْ لَهُ ثُقْبَانْ حَذَى الْعَيْنَيْنِ. Donc ici c'est tout simplement un tissu qui va recouvrir un tissu qui va recouvrir le visage de la femme et dont on va faire deux trous dans ce visage pour que la femme elle puisse voir. Donc simplement deux trous pour que la femme elle puisse voir. Donc bien entendu le qadr al-aynayn, suivant les deux yeux de la femme pour qu'elle puisse voir. Et donc il va être encore plus, il va couvrir encore plus que un niqab. C'est dans ce sens qu'il dit wal burqa' ou aqwa min al-niqab. C'est pour ça que le burqa' il est également interdit comme un niqab durant al-ihram bittifaqihim, c'est-à-dire par le consensus des savants. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب. C'est pour ça donc que la femme elle n'utilisait pas ce qui est fabriqué, conçu pour couvrir le visage de la femme, comme par exemple le burqa, également le niqab. Bien entendu, ça c'est dans le cas de al-ihram et on a expliqué ce qui était voulu ici par l'interdiction. وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع من تمر أو شعير أو مد من بر وإن أطعمه خبزا جاز ويكون رتلين بالعراقي قريبا من نصف رت بالدمشقي. على كل حال ici le cheikh ensuite il va nous dire, il va revenir, donc il a parlé des habits toujours, et on est toujours dans ce qui concerne les habits, mais les dernières paroles c'était plus précisément pour ce qui était de l'ihram de la femme. Ensuite, de manière plus générale, et ici concernant donc l'homme, il va nous dire que le muhrim, il ne doit pas se vêtir de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, sauf dans un cas de haja, dans un cas de nécessité. Et il nous dit ici, le shir, le cas de nécessité, c'est comme la nécessité que le jeûneur, il éprouve lorsqu'il doit rompre son jeûne. C'est la même chose. Il nous donne des exemples de cette nécessité. Il dit, et il nous dit comme un froid dont le muhrim, il aurait peur qu'il l'atteigne et qu'il l'onque sur la cause de sa maladie, s'il ne couvre pas sa tête. Donc si un froid, comme un courant d'air, il se trouve dans un endroit où il y a un courant d'air qui est très fort, et donc s'il ne, à ce moment-là il ne se couvre pas sa tête, il a très peur qu'il attrape froid. Taïeb. Donc à ce moment-là, il lui est permis de se couvrir la tête. Taïeb. De même, il nous dit, si par exemple, il a une maladie qui lui est arrivée, et cette maladie lui oblige à se couvrir la tête, alors à ce moment-là également, il couvre sa tête, parce qu'il est fihal ahaj. Il est dans un état donc de nécessité. Fayalbisu qadr al-haj. Bien entendu, comme on l'a vu également cela dans les règles, donc on voit, ici une parenthèse que l'on fait, les règles qu'on est en train d'étudier dans le livre de Cheikh Saadi rahmatullah alayh, on voit leur application ici dans le livre lorsqu'il parle de al-hajjal, la nécessité. On a vu des règles qui touchaient à cela, donc on voit leur application dans la jurisprudence. Et on va voir encore, le Cheikh va nous parler un peu plus loin si on a le temps, il va nous parler de al-urf. Il va nous parler de l'urf. Et l'urf, on a fait deux ou trois cours sur cela à partir du livre de Cheikh Saadi, fil al-qawa'id. Donc on voit l'importance de ces règles, et on voit ici la personne qui a bien suivi et compris la règle, on voit ici son domaine d'application directement. Donc on voit le faïda, c'est-à-dire yahissu bil faïda, celui qui a réellement étudié, qui a compris ces règles, il en voit ici le résultat, il en voit ici l'intérêt qu'il en tire. Faïda starna anhu nuzi'a, c'est-à-dire qu'il va se vêtir de cela, il va recouvrir sa tête juste ce dont il a besoin, rien de plus. Par exemple, s'il a une maladie qui doit se couvrir uniquement une partie de sa tête, alors il couvre simplement une partie de sa tête, ce dont il a besoin uniquement. Donc il ne dépasse pas par rapport à cela. Et ensuite, lorsqu'il n'a plus besoin de cela, donc il sort de la nécessité, alors il enlève directement ce qui lui recouvrait sa tête. وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام. Donc ici ensuite elle fidia. Donc elle fidia. Il doit expier l'acte qu'il a fait, bien entendu. Il doit expier l'acte qu'il a fait. L'acte qu'il a fait, il expie donc soit en jeûnant 3 jours. Donc la personne a eu peur d'attraper froid, elle a recouvert sa tête. Une fois que cette crainte s'est dissipée, il doit enlever ce qui recouvrait sa tête, mais à partir de là, bien entendu, il doit expier. Donc, l'expiation se traduit soit par 3 jours de jeûne. On va voir un peu plus loin que le shir, il nous dit que cela est, qu'il peut les faire mutatabi'a, c'est-à-dire 3 jours à la suite, ou alors mutafarriqa, c'est-à-dire 3 jours dispersés. Il a le choix. Wa imma binusuki shatin, ou alors, s'il ne jeûne pas 3 jours, il peut également donc égorger, il peut donc égorger chat, donc un mouton, qu'il distribuera. Aubitra misitati masakin. Ou alors également, il a encore un autre choix ici, donc c'est par choix ici. Ou alors il a encore le choix de nourrir 6 pauvres. Likuli miskin nasf sa' min tamrin, ou sha'irin, ou muddin min bur, ou inat'amahu khubzan jaza. Et donc, chaque, les 6 pauvres qu'il va nourrir, donc il a le choix de nourrir 6 pauvres, les 6 pauvres qu'il doit nourrir, il doit leur donner la moitié de ce qu'on appelle sa', qui était donc une mesure utilisée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. donc la moitié d'un sa de date ou alors de blé, ou mud min bur. Donc al mud également, qui est une mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al mud. Donc on a ici al sa et on a également al mud. Ou mud min burrin, c'est-à-dire de froment. Wa in at'amahu khubzan jaza, et si il le nourrit par le pain, cela également est permis. Qui c'est qui nous rappelle qu'est-ce que al sa ou al mud? Naam, al mud, c'est lorsque la personne, elle joint ses deux mains, le creux de ses mains bien entendu, d'un homme moyen, lorsqu'il a rejoint ses deux mains, le creux de ses mains, le contenu du creux de ses deux mains, c'est ce qu'on appelle al-mud. Et le sa', as-sa', bis-sad, as-sa', c'est tout simplement quatre mud. C'est quatre mud. Donc en fait, le mud, c'est rub as-sa'. C'est le quart donc du as-sa'. Donc ici, le shir, il nous a dit, pour nous rappeler, lorsque la personne, elle doit nourrir, si pauvre, il fidya, donc pour expier son acte qu'elle a fait durant le pèlerinage, ça sera donc la moitié d'un sa', donc ici deux mud. Tayyib, nusf sa' min tamr. Ou sha'ir, donc de date et de blé, ou alors mud min bur, c'est-à-dire donc un seul mud de froment. Et s'il le nourrit avec du pain, cela également c'est permis. Ensuite, il va faire ici les correspondances, le shir. Wa yaqul wa yanbaghi an yakuna ma'duman, c'est-à-dire ce pain qu'il va donner, yanbaghi, c'est-à-dire qu'il est très recommandable qu'il ajoute à ce pain un mets, qu'il ajoute à ce pain un mets quelconque, mais un mets en plus. Wa in at'amahu mimma yukal kal baqsmat والرقاق ونحو ذلك جاز. Donc ça c'est les termes qui sont employés pour désigner des sortes de pain. Ici le terme al-baqsmat, c'est un terme qui est persien, farisi, et c'est en réalité ce qu'on appelle actuellement, c'est-à-dire c'est un terme qui est encore utilisé, mais c'est un terme que l'on utilise pour désigner ce qu'on appelle ashabour. C'est en réalité des sortes de biscottes. C'est des sortes de biscottes qui sont faites avec à la base donc de froment, de blé. C'est des sortes de biscottes, tout simplement. Warruqaq. Ruqaq, c'est un khubz qui est raqiq. C'est une sorte de pain qui est fin. Donc tout ça, c'est des sortes de pain ou alors de biscottes. Wa nahwa dhalik jaza. Donc c'est également permis. Wa wa afdal min an yu'tiyahu qamhan aw sha'iran. وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل. C'est-à-dire le shir nous dit qu'il est même préférable qu'il donne cela au lieu qu'il donne tout simplement du blé, c'est-à-dire le blé en bilhubub, c'est-à-dire le blé en grain, ou sha'ir. Il est mieux donc qu'il lui donne un plat qui va être prêt, que ce soit donc du khubz mélangé avec un mets, et qui lui le donne donc directement. C'est également valable pour les expiations, c'est-à-dire le fait de donner une nourriture qui est prête à la personne, c'est bien mieux que lui donner des choses dont il doit moudre, comme par exemple le blé, etc. Taïb, c'est pour ça qu'il dit ensuite afdal min an yu'tiyahu habban mujarradan idha lam yakun 'adatuhum an yathanu bi aydihim ويخبزوا بأيديهم والواجب في ذلك كله ما ذكر الله تعالى بقوله. Donc ici, il est bien meilleur et bien plus profitable pour le pauvre qu'il reçoit donc un mets qui va être prêt, taïb, que ce soit de khubz ou autre. Si bien entendu, à une condition, il nous dit le shir, si il n'est pas de l'habitude des gens qui vont recevoir cette nourriture, s'ils n'ont pas l'habitude, bien entendu, de moudre le blé, etc. S'ils ont eux l'habitude, alors il n'y a pas de mal à donner. Le donner en blé directement. Et il nous dit donc al-wajib, ce qui est à la kulli hal ici, l'obligation même, donc il revient à l'obligation même, al-asl, la base même, c'est ce que nous rappelle Allah Azzawajal, fi surat al-ma'ida, qui est le verset 89, où Allah Azzawajal yaqul, it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. L'expression sera de nourrir des pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller ou de libérer un esclave. Donc il nous dit le shir, فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ مِنْ أَوْسَاطِ مَا يُطْعِمُ النَّاسِ مِنْ أَوْسَاطِ مَا يُطْعِمُ النَّاسُ أَهْلِهِمْ. C'est-à-dire ici, lorsqu'on nourrit nos familles de manière tout à fait normale, c'est ce qui est voulu ici, c'est ce qui est le wajib, qu'on donne donc la même à ces pauvres-là. Bien entendu ici, le verset il est pour ce qui est de kafaratul yamin, taïb, donc l'expression du serment. Ça bien entendu c'est ce qui concerne le verset. Mais bien entendu le shir nous a dit wal wajib pour tout ce qui est des al-kafarat, des expiations. Taïb. Donc ensuite il dit, le shir, qu'Allah azawajal a obligé qu'on nourrisse ces pauvres-là avec ce dont on nourrit nos propres familles de manière normale, sans exagération et sans être avare. وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة في النفقة نفقة الزوجة والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. Donc il nous dit ici que les savants ils se sont divisés pour ce qui est de savoir lorsqu'on donne aux pauvres, que ce soit donc durant l'expiation, durant le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage, comme par exemple kafaratul yamin, est-ce que cela est muqaddar bishara, est-ce que cela donc est prédéterminé par la législation, ou alors que cela revient à ce qu'on appelle al-urf. Donc on voit ici un terme qu'on a déjà étudié avec d'après le livre de Al-Qawaid al-Sa'diyah. Donc est-ce qu'on utilise ici dans un premier temps, est-ce que c'est prédéterminé par la législation, ou alors est-ce qu'on revient ici à l'urf, donc ce que les gens ils se nourrissent de manière habituelle, que ce soit à une période bien précise, que ce soit dans un pays bien précis, dans une contrée bien précise, etc. Donc le shir il va voir que rajih, la parole la plus forte et l'avis le plus solide ici, c'est qu'on fait revenir cela à al-urf, c'est-à-dire donc que cette expiation qui va se traduire par la nourriture de ces pauvres, cette nourriture-là, on revient à al-urf pour la déterminer. Al-urf qu'on traduit par l'habitude, etc. Et ensuite il nous dit وَلَمَّا كَانَ كَعْبُ إِبْنَ عُجْرَةَ وَنَحْوَهُ يَقْتَاتُونَ التَّمْرَ أَمَرَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التَّمْرِ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ والفرق 16 رطلا بالبغداد وهذا الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. Donc ici le shir, comme on l'a dit auparavant, il va nous parler de plusieurs choses pour ce qui est de l'expiation. Ici il nous dit, c'est pour ça que Ka'b ibn Ujra, on sait que Ka'b ibn Ujra c'était un sahabi qui a fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui est advenu une maladie. Lorsqu'on l'a, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim dans leur authentique, lorsqu'on a conduit Ka'b auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sur sa tête des poux, il avait tellement des poux que ça se voyait, ces poux qui sautaient sur son sur ses cheveux, donc il avait une maladie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit donc de raser sa tête. Bien entendu c'est interdit pour ce qui est de le muhrim de raser sa tête lorsqu'il est en état d'ihram. Donc il lui a dit donc de raser sa tête, et ensuite il lui a dit soum thalathat ayyam aw at'im sittat masakin li kulli miskin nisfa sa' min ta'am wa halq ra'sak. Donc il lui a dit donc de jeûner 3 jours ou alors de donner à manger à 6 pauvres, et pour tout pauvre nisfa sa', c'est-à-dire donc qu'il donne la moitié d'un sa'. Tayyib. Et on a vu par rapport donc à la nourriture qui est donnée habituellement, comme on a vu la parole que le shir il a choisi. Et ensuite il lui a dit donc de raser sa tête. Donc à partir de là, le shir il nous dit, lorsque les gens à ce moment du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils utilisaient le plus comme aliment c'était at-tamr, alors il lui a dit de donner faraqan min tamr. Faraqan min tamr, faraq qui est encore une mesure ici, dont le shir nous donne l'équivalent à la kulli hal, min tamr, bayna sittati masakin. Donc, comme cela est rapporté dans certaines versions. Ensuite, dans la version même de l'imam al-Bukhari, où il dit, sum thalathat ayam, aw tasaddaq bi faraqin, bayna sittatin aw unsuk bima tayassar. Naam, il shir, donc, il prend cela comme preuve. Pour dire donc, que l'on revient ici à l'urf. Également, il nous dit le shir que al-fidya, d'après ce hadith, que al-fidya, il est permis qu'on la sorte, donc cette expiation, il est permis à Nyukhrija qu'il la sorte lorsqu'il en a besoin. Lorsqu'il a besoin de faire l'acte qui est donc interdit, mahvour. Que ce soit avant ou après. Par exemple, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la version, ou dans le premier hadith, ou la première version de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, il lui a dit donc de jeûner 3 jours, ou de nourrir les pauvres. Ensuite, il a dit, wahliq ra'asak. À la kulli hadith, donc, il est permis que la personne avant même qu'elle ait à faire cet acte interdit qu'elle fasse déjà son expiation. Ou alors qu'elle fasse après son expiation. Par rapport à ça, il n'y a pas de mal. Qu'elle fasse l'expiation avant même qu'elle fasse l'acte interdit, bien entendu dans le cas de besoin, ou alors qu'elle fasse son expiation après. Taïb. La deuxième chose qui est également permis pour ce qui est de l'expiation, c'est que s'il choisit d'égorger le mouton, alors il lui est permis d'égorger ce mouton avant même qu'il arrive à Mecca. Et ensuite, ce qu'on a déjà dit, le troisième point ici qui est permis pour ce qui est de l'expiation, c'est qu'il, lorsqu'il choisit de jeûner 3 jours, il jeûne ses jours de manière suivie ou alors de manière dispersée. Et également, une dernière chose que le shir cite ici, un point de jurisprudence et dont il y a divergence chez les savants, et lui, il va nous donner son choix, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, si la personne, à titre d'exemple, il faut qu'elle recouvre sa tête plusieurs fois. C'est-à-dire qu'elle fait ce qui est à la base interdit pour un besoin, mais qu'elle doit le faire plusieurs fois. C'est pour ça qu'il dit wa idha labisa thumma labisa miraran, qu'il s'habille ou qu'il recouvre plusieurs fois. Il dit qu'il a uniquement à expier une seule fois et que cela va le compenser même s'il a fait cet acte plusieurs fois. Taïb. Et ça, bien entendu, il dit, c'est la parole qui est la plus apparente parmi les deux avis des savants, c'est-à-dire la parole la plus forte, et c'est celle qui est choisie par le shir ici. C'est-à-dire que la personne s'est fait plusieurs fois l'acte qui est haram, une seule fidya, c'est-à-dire donc une seule expiation lui suffira. Taïb. Ensuite, il y a une nouvelle fasl, un nouveau chapitre, qui est toujours dans l'ihram, qui sera talbiya. On commencera la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.